le patron. À vous entendre, rien de tel pour se détendre qu'un petit boulot de polo. Qui devient fou à veiller sur tous ses sous, sur ses millions, le patron. Et qui se fout de tout pourvu qu'au mois d'août il fasse beau, le polo. C'est comme ça chez Peugeot, on peut supporter. On sorte dans leur dos un fer à souder. C'est comme ça chez Peugeot, même bon ouvrier. Si tu ouvres un peu trop, tu es viré. Qui doit porter costume, cravate étriqué en toute saison, le patron. Et qui peut sans risquer d'être inconvenant dire des gros mots, le prolo. Qui prend le deuil chaque fois qu'il reçoit sa feuille d'imposition, le patron. Et qui attend plein de joie, le cœur battant, l'heure du loto, le prolo. C'est comme ça chez Peugeot, on peut supporter qu'on sente dans leur dos un fer à souder. C'est comme ça chez Peugeot, même bon ouvrier. Un peu trop, tu es viré. Qui trime à mort pour payer le coupé sport de son fiston, le patron. Qui se détend l'été quand tous ses enfants sont en colo, le polo. Qui se fait suer au milieu de gens guindés dans les salons, le patron. Et qui se bourre gaiement à la Cronenbourg dans les bistrots, le polo. C'est comme ça chez Peugeot, on peut supporter qu'on sorte dans leur dos un fer à souder. C'est comme ça chez Peugeot, même bon ouvrier. Si tu ouvres un peu trop, tu es viré. Cerné d'amis qui n'en veulent qu'à son pognon, le patron. Qui se défoule en prenant des bains de foule dans le métro, le polo. Qui craint tout le temps le crash, le détournement de son avion, le patron. Et qui prend l'air en venant bosser pépère sur son vélo, le polo. Comme ça chez Peugeot, on peut supporter qu'on sorte dans leur dos un fer à souder. C'est comme ça chez Peugeot, même bon ouvrier. Si tu l'ouvres un peu trop,